Accès gratuit et réservation sur lepointdevente.com ou le-cercle.ca. Signaux de nuit est présenté par le Cercle et Budweiser en collaboration avec le magazine Voir et Knockout, l'autre disquaire. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue à Terra Incognita, votre émission hebdomadaire de rock progressif. Quelques nouveautés ce soir, dont le nouveau Discipline, le groupe de Détroit avec Matthew Parmenter, un cosmographe qui nous arrive du Royaume-Uni et bien d'autres choses. Ce soir, c'est Michel et Bruno jusqu'à minuit. On commence donc en musique avec un extrait de Discipline, le tout récent Captives of the... The Wine Dark Sea. The body and the brain, the self, the soul, the fictional belief, the void, the whole. We'll be right back. looks like Eureka since number set. Gym connections make perfections. The body learns, just keep on trying. Now in flowers, the few that we see seem to come by it naturally. Fragmentation, replication. We'll be right back.

so much. From where I'm standing on that road track, you're getting at. You can hear me calling, you think I'm falling, young again. Same thing, same yourself. Hey man, day goes, the night flows, the hayman, he knows the long dawn, the tall corn, the blue sky. Where crows fly, the hayman, the wind blows, it chills his hollow heart. I watch the crows pick him up. trouve ta voix. Quand le rouge s'allume, j'ai réalisé que sans la radio, et qu'on s'apprête à se mettre en jeu, je n'existerai pas. C-K-R-L. Point QC. Point CA. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi! Bang bang! Ici Tania Beaumont. Je vous attends demain avec mon équipe de 15h30 à 17h30 au bar Le Sacrilège, 447 rue Saint-Jean. Entrevues, prestations, critiques. Un regard unique sur le Festival d'été de Québec. Une présentation du bar Le Sacrilège. Et de retour, on va jeter un petit coup d'œil en arrière. Ce que conclut la dernière demi-heure, c'était Cosmographe, de leur plus récent The A-Man's Dreams. On avait tout juste avant The Watch 7. Oui, The Watch 7, c'est... Excusez, attendez un peu, je vais reprendre ma feuille comme il faut. Bon, je vous parlais de The Watch 7, en fait, ce serait comme le 8e si on compte le premier essai de Night Watch. Et en entrevue, Simone Rossetti me disait que le titre venait plutôt du fait que il y a 7 nouvelles pièces sur l'album. Et à l'époque où il enregistrait le disque, la NASA avait annoncé que la découverte de 7 planètes gravitant autour d'une étoile et puis que cette planète qui était susceptible d'accueillir la vie. Donc, ça l'a inspiré pour le 7 de The Watch. Et on avait amorcé avec Discipline, leur plus récent, en fait, paru hier, lancé hier, Captives of the Wine Dark Sea. Là, on va aller faire un petit tour du côté de l'Europe, parce que c'est comme un tandem... un peu inusité. Ben moi, ça m'a surpris quand j'ai appris. Bruno, il rigole, là, mais... non, je te dénonce, là, je te vois rire, Bruno. Ben, tu ris pas, t'écoutes la télévision, ben quoi, là? Bon, on revient aux choses sérieuses. Ouais, je disais donc un tandem qui m'a un peu surpris. Ilse Durbin, la formation suédoise, associé à Steve Hogarth, le chanteur de Marillion, pour un album qui a pour titre Colors Not Found in Nature. Et c'est assez intéressant, finalement. Là, j'ai une belle surprise. Et puis, on va avoir bientôt autre chose, évidemment, quelques autres nouveautés. C'est qu'on y va, on va écouter ce petit tandem curieux, Ilse Durbin avec Steve Hogarth. Love is noble and beautiful. The love is warm and comfortable. Love is full of trust and full of caring. The love will be there in the morning and last thing at night. The love will shop and clean and tidy up. The love will fix the car and mend the fence. Go to the office, do the 9 to 5. The love will work so hard for the promotion. The love will come home at 6 for dinner and watch the TV and throw a stick for the dog. And the love

Come! yesterday. Take me for another guy. Couldn't really hide what I was finding. I'm finding that I shouldn't try. Are gone. Our own windshield. die. 89. Est-ce qu'on peut faire vivre 7 milliards ou 9 milliards de personnes à une vie convenable sans détériorer irrémédiablement la planète? CKRL 89. Québec. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi! Ouais, on a eu tout un party avec mes amis Bière et Join. Tiens, Join, prends les clés. Es-tu fou? Je suis bien trop stone. Hey, Bière! Ah non, une fois que je prenne pas, faut que je conduis plus. Reste-toi, Dave! Puis t'as pris juste quelques verres. Et puis deux, trois puffs. Non, je conduis jamais quand je bois. C'est sûr que je conduirai pas après avoir fumé du pot en plus. Ben, comment on rentre chez nous? Allez, Dave! Ne laissez pas le cannabis et l'alcool influencer votre décision de conduire. Allô? J'aurais besoin d'un lift. Un message de Mad Canada. Puis toi, Bruno, tu vas rentrer comment? De retour. Bon, oui, bon, on va revenir aux choses sérieuses. J'aime bien taquiner Bruno, vous le savez. On vient d'écouter le dernier, en fait, ce qui était tout juste avant les pubs, c'était The Watch de l'album Seven. Une belle pièce acoustique que j'aime beaucoup. It's Only a Dream. Ils en font une de temps à autre, comme ça. Et là, sur ce disque-là, je trouve que c'est un petit bijou qui sort du lot. Là. Donc, pour The Watch 7, It's Only a Dream. Tout juste avant, on avait Steve Kilby et Martin Kennedy, You Are Everything. Steve Kilby, peut-être certains vont faire le lien avec un groupe australien qu'on a bien connu dans les années 80, de Church. Il travaille beaucoup en duo avec Martin Kennedy, un autre Australien. Et puis ça, c'est un des... Il y en a un nouveau qui vient de sortir, là, que j'ai bien hâte d'écouter. Et puis ben, ça, c'est dans les récents, le You Are Everything. Et on avait aussi Anubis, groupe australien de leur plus récent, The Second Hand. Et on avait amorcé le tout avec Isidore Urbain et Steve Hogarth. Donc... Une collaboration, je disais tantôt, un peu inusitée, mais en fait, moi, ça m'a surpris. Colors Not Found in Nature. C'est toujours Terrain Incognita. On est avec vous jusqu'à minuit, Michel et Bruno. On continue avec Cosmographe de leur plus récent. En fait, je pense qu'il sort cette semaine, The Amen Dreams. Et on écoute une seconde pièce, donc, de ce nouvel album. Thank you. Motorway snakes through this land, can't see it all from where I stand. I long to drive it in a car, I long to drive it very far. I stop and stare, taking the view, I stop and spend some time with you. I want to feel a human touch, I want it really very much. Drive on! reaching undiscovered lands. The collectors and observers, curators and explorers. Reflectors of think for yourself. To see much further. Go build a steam-driven machine or a rocket to the moon. Dig the earth for ancient worlds. Look back in time. Tell the story from the start. The story of all come to pass. Merchants of light. Such wonders here without fantastic things. The curiosity of man. say my prayers upon a mirror, a mouth full of dust, as the dead ends, the evil starts beyond the sea. There is a sea. Internalized, our features become a magazine, a frontier from either side. Measure and repetition, rust and erosion, fabricated opening between nothing and a lie. The outside is dead. C'est KRL. Québec. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. Votre radio vous suit partout. Téléchargez l'application de l'Association des radios communautaires du Québec et écoutez les stations de partout en province. Les radios communautaires. Écoutez-les, découvrez-les. Partout. Disponible pour Android et iPhone. Imagine ça. Par un beau soir d'été, sur la terrasse du sacrilège, t'es bien relax. Et soudain, une sensation de faim extrême et un besoin de manger subit te ronge l'estomac. Tu fais quoi? Comment assouvir ta fringale? Tu ouvres l'application Go Local et tu commandes chez Bol et Poké ou au pub Le Projet et ton repas est livré directement au sacrilège. N'est-ce pas merveilleux? Visite lesacrilèges.com pour plus de détails. De retour, ce qu'on a entendu avant les messages d'intérêt public, c'était le groupe Cheer Accident de leur tout nouvel album Putting Off Death. On avait avant le Big Big Train, Grimmspan, j'étais pour dire le plus récent, mais le groupe a en lancé un autre la semaine dernière. The Second Brightest Star, donc Grimmspan n'est plus le plus récent disque de Big Big Train qui a lancé deux disques en environ cinq semaines. Productif, les messieurs, oui, et on s'en plaint pas. On devrait avoir un extrait la semaine prochaine de The Second Bright Star de Big Big Train, et on avait amorcé avec Cosmograph et Man Dreams, leur plus récent, et tout chaud d'ailleurs. En parlant de nouveautés, ben, on va réécouter, écouter une seconde pièce d'une tout nouveau discipline qui est parue hier, Captive of the Wine Dark Sea. C'est notre dernière demi-heure, donc, à Bruno et moi. Et il reste encore de la bonne musique, il reste des nôtres. Et d'ailleurs, il va y avoir aussi l'autoroute avec Jacques qui va nous suivre. Donc, vous êtes abonnés pour la nuit. Donc, on y va avec Discipline, tout chaud. Il est paru hier. Captive of the Wine Dark Sea.

hide away from heartless men. Despite everything I hope, this goodbye is not the now I should know. Dreaming dimensions made of a picture from the beach, the sails you couldn't reach, the line is pulling free. You've played enough, the distance isn't far, as sure as where you are. You've fallen off the edge, and so you float between horizons. It's all you ever heard.